La solitude est un piège qui ne m'a pas emprisonné. Car l'instant d'après, je vous ai vu, je vous ai même reparlé. Méditer me plaît, mais il m'arrive de jouer à l'extérieur. Vous m'avez vu calme, je vous cultive quand je vous parle. De mon intérieur. J'arrive auprès de cette population, c'est une grande espèce en voie d'extension. Me voici à la capitale, au milieu du bruit des gens qui râlent. L'air glaciaire est annoncé, l'humain inquiet et paralysé. Pour la première fois de l'humanité, il neigera même dans cette contrée. Moi je préfère hiberner que de vous voir tout affolé. Pour le sapin Noël et ses décorations, pour la Saint-Sylvestre et ses résolutions. Cet hiver, c'est ma nouvelle maison, le yoga est ma seule préoccupation. Faire la fête n'est pas ce dont nous parlons. Parlons intérieur. La paix à l'intérieur. Il y fait meilleur.